bonsoir. Bonsoir. Je m'entends mal. Tu m'entends mal? Et là, tu m'entends mieux? Ah non, je t'entends très mal. J'ai un portable, c'est un truc pourri, c'est un truc tel, je t'entends vraiment mal. Ouais, mais. Allô. Elle est importable, Gérard, bordel! Ah non, mais, Claire. Tu me reprends les gens au portable. Je ne vous entends pas, donc bah, je vais raccrocher, tant pis. Ouais, tant pis, si t'es avec un portable, bonne nuit. Bah, je suis désolée, bonsoir. Bonsoir. Tu m'entends? Ouais? Non, bah, je t'aime pas. Ok, tu m'aimes pas? Eh ben, bonne nuit. J'espère que tu m'as bien entendu. Moi, je t'entends pas, je peux pas entendre ta voix mélodieuse et crachienne. Mm-hmm. Bah, je t'emmerde. Salut! Eh ben, moi aussi, je suis dans le cul, poufias. Hein? Oh, ça va, Gérard? Gérard, j'ai mon nouveau boss, alors tu te calmes, merci. Claire, elle est capable de me dire je t'emmerde, d'accord? Alors, tu peux être poli? Ouais, mais j'aime pas me faire insulter. Ok, entendeur, salut pour Claire. Donc, Béa, tu me prends quelqu'un à la place de Claire. Béa, bonsoir. Allô? Allô, Béa? Allô? Ouais, bah écoute, je t'appelle d'un portable, donc si tu pouvais parler plus fort, ce serait très très bien. Non, mais attends, Béa. Allô? Allô? Oh, c'est quoi là, on sent? C'est quoi là, Béa, je voudrais que tu parles plus fort. Si tu peux pas parler devant ton micro, c'est pas la peine. Bon. Allô? Bon, alors. Je suis désolée, si tu peux pas parler plus fort, je vais raccrocher. Oh punaise, c'est quoi là, ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce débat pourri? Oh, pas de portable, j'ai dit! Bon, Gérard, c'est vraiment un débat pourri. Tu dégages, toi! Allô? Allô? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu veux que je passe le standard? Allô? Non, c'est bon, je gère. Bon, mais moi, je raccroche, hein. Tu me fais pas le coup de la semaine dernière? Ah non! Merde! Si, Gérard, c'est bon. Eh, ça en fait deux! Salut, merde! C'est bon, là. Portable! Sophie, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je suis dans la rue, là. Je suis avec mon portable. Ah, il y a les flics, là. Il y a les flics. Allez, hop. Gérard, il y a les flics. Hop, bonsoir. Allez, hop. Didier, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô, Didier, à l'appareil. Ouais. Allô, j'appelle la portable. Allez, hop, bonne nuit. Fred, bonsoir. Ouais, GG. Allô? Ouais. Allô? Portable, bonne nuit. Allez, allez, allez, allez, tu balances un disque, je commence pas les débats comme ça. Allez, hop. Oh, tu te réveilles ou quoi, merde? Mais merde! Allez, hop, un disque. Allez, hop. Premier, le débat, il commencera pas maintenant. On met un disque. Non, allô. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Ça passait bien au standard, Gérard. Hein. Non. Attends, ça vient du portable, hein. Tu te démerdes. Okay, tu te démerdes. Non, c'est nul, là. On démarre mal. Mais attends, il me prend que des mecs au portable. Fais gaffe un peu, Manu. Bon, on va rattraper la truc. Non, non, allez, hop. Bah, c'est bon, Gérard. Relance le débat, Gérard. Explique le débat, relance-le, parce que... Là, non, je reviens sur les portables, je veux aucune personne en portable. Allez, calme. Ouais, mais derrière le Minitel, tu me tournes, s'il te plaît, vers moi, quand même. Sinon, Olivier, tu me dis ce qui se passe. Ça marche pas, ça. Après, ça merde, ça. Ah là là. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des... Mais c'est pour ça. Tu me dis ce qui se passe à peu près sur Minitel. Ouais, alors. On est où, là, les messages, c'est quoi? Le cul de GG, c'est marqué. Non, bah, d'accord. À la loco, comme d'hab. Donc, ça, j'en ai rien à foutre. Alors, si c'est pour commencer comme ça... Des questions, alors, donc... Première question. Êtes-vous pour ou contre les portables? Alors, je vous préviens... Il y a 20% des Français qui possèdent un portable. Et ça, comme par hasard, j'ai pas eu ça. On t'a fait pareil. Ouais. 10% pour leur travail. 11% pour frimer devant les filles. C'est vrai. Et 8% pour appeler les tatous de Gérard. Alors ça, une, deux, tu vois ça. Les 8% pour appeler les tatous de Gérard. Eh ben, ils peuvent se les carreaux que je pense. Alors, Manu de main, tu vas te manier le tout au standard pour me trouver du monde. Pour l'instant, on va mettre un disque. On va mettre un... On commence le débat, il est 1h30. Attends. Non, mais attends, mais j'ai personne de potable. Il y a Lisa et il y a Johanna. Non. Il y a Lisa et il y a Johanna. Mais tu me donnes les noms! Bah, Lisa et Johanna, accueille-les, Gérard! Mais attends! Il y a Lisa, il y a Johanna! Allô? Allô, GG? Ouais? Il y a Johanna et Lisa ici. Ouais? On n'a pas de portable, on t'entend très bien, tu nous entends? Tout est parfait. Alors, Johanna, qu'est-ce que t'as à dire? Pour l'instant, t'as pas encore posé de questions, donc j'ai rien à dire. On compte les portables. Gérard, on va pas faire le débat à trois, là. Non, mais pour l'instant, l'autre au standard, il dort. Mais non, on va pas faire le débat à trois. De manière, s'il dort de trop, je vais faire descendre quelqu'un d'autre. On a Marie aussi. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Oh, Marie, tu te réveilles, s'il te plaît. Bonsoir, Gérard. Bonsoir Gérard. Gérard, t'es tétanisé, il y a quelque chose. Bonsoir, j'ai pas de portable, Gérard, je te rassure. Oui. Manu, s'il te plaît, Manu le malin. Oui, mais le gamin. Ouais, Manu le gamin ou Manu le malin, j'en ai rien à. Ouais, tu te réveilles au standard. Ah, mais tu te réveilles, regarde, t'as trois nanas là, Gérard. Mais non, mais tu te réveilles un petit peu plus au standard. Ah, mais. Gérard, je te demande quelque chose. T'es prié de. Une question, Johanna. Gérard, question. Alors. Pour ou contre les portables? C'est pas une question, c'est pas une question, il n'y a pas de verbe. C'est pas une question. Il n'y a pas de verbe. Ah non? Mais si, c'est une question. Non mais attends, Johanna, si t'es pas contente. Mais c'est pas Johanna, hein. Bah, c'est qui vient de dire. Alors là, on sait pas. Non mais attendez, vous avez pas commencé comme ça. Marie, Johanna, et qui? Oh, c'est qui là? Lisa, Gérard. Il y a Lisa, Johanna et Marie. C'est pas compliqué. Moi, j'ai compris. Lisa, hein. Johanna et Marie. Oui, j'ai compris. Hein. Non, non, Lisa, Marie et Johanna. Oui. Est-ce que vous avez compris la première question? Oui. Tu peux la répéter? Non, mais attends, il faut pas prendre... Est-ce que vous êtes pour ou contre les portables? Voilà, là, il y a un verbe. Pour ou contre les portables, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour. Hein. Alors, moi, je suis contre. Attendez, attendez, qui est pour? Lisa. Lisa, pourquoi? Bah, parce que c'est utile, quoi. Ouais, pourquoi? C'est bien, on toujours être en contact avec sa tribu. Non, les portables n'ont rien à voir avec la tribu. Avec les tribus, hein. Bah, si, pour moi, c'est ma tribu qui m'appelle. Et, d'accord. Je vais m'être très utile, voilà. T'as les Indiens aussi? Comment? Les Indiens aussi, oui, hein. Moi, je suis la cow-boy. Et... Ah ouais, moi, je fais... moi, je fais la guenon, d'accord? Ouais! Bon, alors, Lisa... Lisa... Lisa, Lisa, Lisa, oui. Lisa, tu vas aller faire dodo parce que apparemment t'es pas réveillée. T'es à côté de tes pompes, hein. Bien sûr. Oui, ma chérie. Sympa. Hein. Ouais, bah, de toute manière ça va commencer comme ça, si vous continuez ça va aller vite. Hein. Bonjour, c'est Johanna. Moi je suis Johanna, vas-y. Parce que je peux t'écouter partout, dans mon bain, je peux me promener, je peux aller dans la rue, dans l'ascenseur, en cours et tout, et t'es tout le temps là. Donc, bon génial. Alors, maintenant que j'ai à peu près... Et moi, Marie, tu m'as dit... Non, mais attendez, Lisa, oui. T'es toujours là? Oui. Ouais, comme par hasard, j'ai demandé à ce que Lisa saute... Non, t'as pas dit ça. Ah non, tu m'as pas dit au revoir. Hein. Voilà, je te dis au revoir quand ça me fera plaisir, d'accord, ma chérie? Au revoir. Pardon? Rien du tout. Johanna. Oui, je viens de te répondre. Ouais. Ouais. Non, mais attendez, je dis bonsoir, s'il vous plaît. Ah, bonsoir. Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Camille. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Camille, elle est pareille. Bonsoir, Camille. Oui, bonsoir, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, Gérard. Hein. Attends. Gérard, ouais. Je te dis juste bonsoir. Bonsoir. Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Quoi? Deux Camille du même nom. Bah arrête, tu vois. Attends, il y a plusieurs Camille dans la vie. Il y a Lisa, hein. Johanna, Marie, Camille, Michel et Nico. Non, tu me mets Camille. Parce que j'en ai mis deux trop, mais c'est parce que je me suis gouré. Raille-le, c'est pas grave. Bah arrête, je peux rester dans le... Non, mais attends, tu vas pas faire le bordage de la semaine dernière, toi. Continue, Gérard. Non, mais attends. Gérard, c'est pas le bordage de la semaine dernière. Tu tiens, toi, s'il te plaît. D'accord, Tony. Arrête de gueuler. Tony, tu vas la fermer! Mais c'est pas Tony, Gérard! Tu vas la fermer! Arrête de dire n'importe quoi! Mais t'es tout le temps en train de gueuler sur tes auditeurs, fais que t'envoies! Tu vas la fermer! Mais non, je la ferme pas, je suis un rebelle, Gérard! Mais merde, c'est quoi là? Allez, moi je sais pas de débat! Gérard! Mais je suis même. Mais merde! Vas-y, mais vas-y! Mais tu vas pas me dire que tu fais ton débat! Dans ces cas-là, tu vas se faire. Il n'y a plus que Lisa, Johanna et Marie, ça y est, je l'ai viré. Oui, Gérard, on est là. Faut pas pousser. On fait des sourires. Non, faut pas pousser parce que ça marche, Gérard. Non, t'as donné les mêmes numéros. Gérard, alors moi je suis pour. Michel, bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Michel, bonsoir. Bonsoir, Michel. Michel, bonsoir. Bonsoir, Michel. Ouais, c'est quoi, là? C'est Michel, bonsoir. Bonsoir, Michel. vérité, on a mal à la tête, putain, on a l'impression d'être une autorisé par Et faire un gant. Ouais, faire un gant, tu vois. Je t'emmène du faire un gant. Ouais, d'accord. Je t'emmène de faire un gant. Tu vois, tu commences comme ça à être poli avec moi au départ. Ouais, restez poli un peu. J'étais gentil, j'ai dit bonsoir. Le traité des faire un gant, bonsoir. Bonsoir, Nico. Nico, bonsoir. Il est plus là, Gérard. Ouais, comme par hasard. Bon, Gérard, première question. Alors, êtes-vous pour ou contre les portables? Ça y est, on l'a déjà fait. Alors, moi, j'aimais les portables. Qui c'est? Marie. Mm-hmm. J'aimais les portables parce qu'on peut voler avec. Voilà. On peut se déplacer n'importe comment, où on veut, à quelle heure qu'on veut. Voilà. À quelle heure qu'on veut. Ouais. Et puis, par contre, je suis contre pour les mecs qui ont des portables pour s'affrimer. C'est du plastique. Mm. Alors, ouais, attends. Ça, c'est vrai. Marie. Ouais. Moi, j'ai dit... Une chose. Ouais. Non, mais moi, je vous préviens d'une chose. Ouais. Manière, c'est pas avec un portable qu'on... Qu'on va se la péter, c'est sûr. Je pense qu'avec des tongs, ça marche mieux. Ah oh, ouais, c'est mieux. Bon, cas, déjà, l'autre, quand il va arrêter avec son gyrophare, il va me faire signe. Non, parce que c'est pas parce qu'on me voit sur Fun TV, d'accord. Ah ouais, mais c'est beau, Gérard. Oui, c'est mais pas merci. Parce que t'es une star. D'accord. Oui, faut bien qu'on te filme un peu, sinon, qu'est-ce qu'on va avoir à l'écran? Déjà, ça, là, tu vas me virer, là, s'il te plaît, Olivier. Merci. C'est pas Olivier, c'est Daniel. Ouais, Daniel. Ah, moi, c'est Daniel. Hein. Daniel, tu me dis ce que t'as en face de toi. Merci. C'est quoi, ouais. Donc, moi, je préfère vous prévenir. Oui. C'est les portables. Ouais. Oui. Non, mais même, je vais pas vous prévenir d'une chose. Oui. Mais attention, au premier qui va dire une connerie, parce que... Connerie. Non, mais attendez, là, je vous préviens, il est quand même 1h29. On accueille deux autres nanas, il y a Janine et il y a Aurore. Salut Janine, salut Aurore, salut. Ouais, tu me les remarques, s'il te plaît. Oh, il y a des filles ce soir, ça va être la fête. Ben, comme ça, au moins. On parle partout, Gérard. Non, mais on n'a pas de partout à faire. C'est un petit femme pour ça, tout seul. Ok, merci. Comme ça, tu vas regarder. Non, mais je vous préviens d'une chose. C'est pas avec. Parce qu'on a un portable qu'on peut. On peut s'attaper, hein. Non, mais c'est pas avec. Parce qu'on a un portable qu'on peut se remettre dans la rue. Bah, bien sûr. Non. Tu dis ça parce que t'as qu'un tatou. Bah, alors Gérard, c'est Michel. Bonjour, Michel. Oui, je voudrais juste. J'ai pensé à un truc sur le portable. Oui. Je pense que moi, le portable, c'est bien parce qu'on peut téléphoner avec. Ouais, c'est pratique. Michel. Oui. Tu dis que c'est bien parce qu'on peut téléphoner avec. Est-ce que t'as les moyens de payer les communications derrière sur ton compte? Bah, Gérard, après, Lisa, Johanna, Marie, Janine et Aurore. Ouais. Laissez-moi finir avec Michel. Après, je vous demanderai votre réponse. Oui, on a compris. Allez. Bon. Alors, Michel. Oui. Est-ce que tu crois? Une fois que t'as la facture, est-ce que tu penses la payer? Oui, c'est vrai que ça dépend de la facture. Ah oui, ça dépend de la facture. Mais si t'appelles n'importe où, est-ce que t'es capable de la payer? Ça dépend. Ah, ça dépend de quoi? Ouais. Ça dépend de quoi? Non mais attendez, ça dépend de quoi? Ça dépend le fait que, bon, où on appelle. Mmh. En fait, c'est ça. Ouais. Le mec prend son portable, il peut payer la communication ou il ne peut pas la payer. Mmh. C'est ça le problème. Michel. Oui. Et Janine. Oui, Janine. Tu sais qu'un portable, on peut se faire appeler aussi, hein, donc ça, c'est pratique aussi. Mmh. C'est pratique. Ça, c'est bien, oui. Oui. Donc on n'est pas obligé d'appeler non plus tout le temps, et voilà, ce qui est pratique, c'est de se faire appeler. Alors, Janine, une question que je vais te poser. Oui, vas-y. Par exemple, la personne qui est au chômage, est-ce que la personne est capable de payer une facture de 6200 balles? Bah oui. Mais pourquoi 6200 balles? Non, mais Janine. Oui. Même avec un forfait, est-ce qu'elle est capable, même avec un forfait, n'importe quel portable, parce que je vais pas citer les noms, de manière on va y arriver. Ouais. Est-ce qu'elle est capable? C'est vrai, Gérard a raison. Eh ben, Gérard, tu veux que je te dise? Oui. Non, moi je suis pas d'accord. Attendez, laissez finir Janine. Gérard, attends, tu sais quoi, aujourd'hui je viens de m'acheter un portable justement. Mmh. Ouais, bravo. Avec quoi? Hein? Et tu sais combien je l'ai payé? Mmh. C'est un forfait qu'on vient de faire et je l'ai payé presque rien. 10 francs. Presque. Non. 150. Attends, tu vas pas me dire que t'as payé un portable pour 10 francs. Attends, Janine. Oui. Tu vas pas me dire que tu as payé un portable 10 francs alors qu'on voit des portables pour 1 franc. Bah oui, c'est la table. Je paye 10 francs, attends. Okay. Non, mais il y en a à 1 franc, Janine. Bah oui, il y en a 1 franc. Alors, Lisa. Donc tu l'as payé plus cher. Bah, Lisa. Mais comment t'es roulé? Tu t'es roulé, Italie. Lisa. Oui. Lisa, pour toi. Quoi? Est-ce que t'es pour ou contre? Mais je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Je t'ai dit, je... Oh, Marie n'a pas répondu. Alors, Marie, réponds, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que moi, même si le portable coûte un franc, je l'achèterai pas parce que je trouve que les portables, c'est pour frimer et uniquement pour frimer, quoi. Ouais, mais pourquoi? Bah, parce qu'il y a des mecs, tu vois, ils ont des portables, ils sont dans leur voiture et tout, et puis ils s'ajouent, ils nous regardent avec leur portable et tout, ils croient qu'on va tomber sur leur charme avec leur portable, mais en fait, moi je n'ai rien à foutre des mecs à portable, quoi. Mm-hmm. Attends, je suis d'accord avec toi, mais le portable, ça ne sert pas qu'à ça non plus, hein. Mais attends, Marie. Oui. Moi je vais dire une chose, tu vois. Oui. Moi j'en ai vu dans la rue, même en scooter, ils s'amusent à téléphoner. Moi je vais dire une chose, normalement c'est interdit. Ouais, on est d'accord, hein. C'est interdit. Non mais, attends, Marie, je vais dire une chose. En voiture, c'est interdit. Que ça soit en voiture ou en scooter, c'est interdit. Et même dans la rue. Oh et même en cours, hein. Même en cours, il est interdit. Et maintenant, dans la rue, t'as même pas le droit de chier aussi. Même à la loco. Même les chiens, ils ont pas le droit de chier. Cécile Dard, Gérard. Ouais. Ouais, j'aimerais poser une question. Qu'est-ce que tu penses d'un mec, tu vois, qui offre un portable à un de ses potes, mais qui n'a pas d'abonnement? C'est génial. Non, mais attends, tu diras déjà à ton crocodile là qui se calme. Avec son gyrophare. Ouais, mais moi je t'ai posé une question. Oui, ben. Je vais te répondre quand il se calmera, lui, avec le gyrophare là qui veut me mettre dans les. Allez, calmé, à toi, d'accord. Allez. Donc, c'est pas parce qu'on m'a offert un portable. On t'a offert un portable? Ouais. On m'a donné. On t'a donné. J'ai pas l'abonnement. Ça sert à quoi? Ça fait beau? Non, mais. Dans la rue. J'ai le numéro du portable de Gérard. Donc je vais le donner. Attends. 06. Vas-y, continue. Hein. Le casque. Remets ton casque, Gérard. On arrête. Ils sont plus à l'antenne, Gérard. Gérard, c'est Max, ton casque. Si tu l'enlèves, je te promets, je viens ici, je te fous une bouffe. Ouais, ben, dans ce cas-là, Max, tu viens prendre la poufiasse qui a été dire mon numéro. On te pose des questions, tu n'y réponds pas. Non, mais attends, il y a une poufiasse qui vient de donner mon numéro de téléphone de tatou à l'antenne. Alors tu viens, tu la chopes au standard. S'il te plaît, merci. Manu de le faire, Manu fait pas son boulot. Non, mais attends, Gérard. Non, mais attends, Manu, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il fout. Après, il va me dire, tu fais tes débats, c'est moi qui commande. Attends. Alors moi, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Alors, on revient dans le débat et on écoute parce que c'est intéressant. Donc, alors, Janine. Réponds à la question de Fildar, déjà. Donc, moi, on m'a fait un portable, j'ai pas l'abonnement. D'accord. Pourquoi? Parce que, bon, pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'acheter la carte. Ah, c'est pour frimer, alors? Non, de toute manière, je l'ai pas sur moi, le portable. Tu vois, c'est pas pour frimer parce que j'ai pas de portable sur moi. Merci. Bah, merci pour celui qui vient de dire ça. Qu'est-ce que tu vas en faire, Gérard, de ton portable alors? Un portable, c'est un Tamagotchi. Eh, Gérard, ça veut dire que tu traites de Max de frimeur puisqu'il est un portable. Non, mais attends. Qui c'est qui vient de dire que Marie. Je traite... Marie. Alors, je vais dire une chose, Marie. Oui. Je ne traite pas de Max. Ah, de d'accord. Frimeur. Attends, Marie. Attends, de toute manière, toi, je vais te moucher parce que de toute manière, tu l'as viré. Pourquoi? J'ai rien fait. Tu l'as viré, hein. C'est toi qui viens de dire que. Mais n'importe quoi, il faudrait te laver les oreilles, c'est comme le cul, ça sert, hein. Attends, si t'es... Ah bah alors, dans ce cas-là, tu dégages. Hey, Marie. Allez, hop. Gérard. Hop. Voilà. Gérard. Ouais. Oui, c'est Michel. Qu'est-ce que tu penses des gens qui offrent des portables à des manchots? Quoi? Est-ce que tu trouves ça normal ou c'est... Bon, non, mais attends, Michel. J'ai lu ça dans Elle, le magazine Elle. Ouais, comme quoi, une certaine personne aurait fait cette blague en Angleterre. Hop. Mais attends, mais Gérard, c'est intéressant ce que tu dis. Non, c'est dans un magazine, c'est pas toi. Viens là, pour l'instant. Je demande. Je trouve ça idiot. Tu trouves ça idiot. Eh ben moi, je vais dire une chose. T'es encore plus idiot. Parce que tu penses ça, on dirait que t'as... Mais je te demande, parce que je voudrais qu'on réagisse. Moi, tu me demandes. Mais moi, j'en ai rien à foutre du magasin. Ah non, du parce magazine. Que moi, j'ai pas le magasinal, d'accord? J'ai pas les moyens de m'acheter un portable. On m'a donné un portable, j'ai même pas les moyens de m'acheter une carte pour la rentrer dedans, d'accord? Peut-être que ça les intéresse, elle, pour... Oui, justement. Tu veux une carte mobile ou elf? Hein? Alors, en de bon entendeur, pour tous ceux qui vont... s'amuser à vouloir donner des numéros, eh ben, de toute manière, vous avez viré. C'est moche. Eh ben oui. C'est eh ben, dans ces cas-là, on va écouter. J'en connais un tout à l'heure, il va se prendre deux claques dans le baignoire. Vous avez écouté les poutins, j'aime bien avec... Oh, apprends à lire avant. Ouais, vas-y, refais-le. Ouais, merci. Oh, attends, toi, tu as lu... Ah non, Gérard, c'est toi qui annonce les listes. S'il te plaît. Allez, Gérard, dépêche-toi. Alors, c'est les petits boudins, j'aime bien, avec des gros strings roses. Oh, Fildar! Gérard! Fildar, tu me dégages ton abruti, là! Ouais, c'est bon, Cyril, dégage! Et hop! Le gyro, j'en veux pas! Bon, on y va, là? Bon. Alors, possédez-vous un portable, on va accueillir Lisa. Oui. Rebonsoir, Lisa. Rebonsoir, Gérard. Célia, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Justine. Bonsoir, Gérard. Janine. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Michel. On n'a plus Michel, on a Bidal. Ah, Bidal. Bonsoir, Bidal. Bonsoir, Bidal. Bonsoir, toutes les filles. Bonsoir, Bidal. Et bonsoir à Gérard aussi, excusez-moi. Comment? Bonsoir à Gérard aussi. Ok. Quand même. Aurore. Bonsoir. Bonsoir, Aurore. Bonsoir, Aurore. Alors, possédez-vous un portable? Alors, oui, effectivement. Je vous préviens, foutez-vous pas de ma gueule, hein. Oui, bonsoir. Ça va aller vite. Hein. Bon, allez, on y va, là. Bonsoir, c'est Justine. Oui. Moi, je possède effectivement un portable. Mmh. Et il me sert pour mes clients. Mmh. Car j'ai beaucoup de clients la nuit. Mmh. Parce que je fais de la sécurité la nuit. Je suis flic. Oui, d'accord. Non, mais attends. Attends, hey, Justine. Oui. Justine. Oui. La question, c'est possédez-vous un portable? On n'en a rien à foutre de ce que tu fais comme métier, oui, d'accord? Mais je possède un portable. Non, mais est-ce que tu possèdes un portable? Oui. Point final, à la ligne. Oui, ok. Je possède un portable. On est clair. On est clair, Gérard. Alors, est-ce que tu possèdes un portable? Oui ou non? Oui, Gérard. Je bon, alors, ok. Eh ben voilà, t'as pas besoin de me dire, ouais, parce que je suis flic, ou autre. Non, mais je t'explique pourquoi j'ai besoin d'un portable. Ouais, parce que t'es flic. Mais attends, Gérard, excuse-moi, mais là, t'es tellement agressif, tu souris pas, c'est des filles, elles sont sympas, elles t'expliquent, donc on va pas poser des questions, ils parlent. Ouais, non, mais c'est pas la Gestapo, quoi, l'impression que tu fais un interrogatoire dans un commissariat, ouais, donc c'est un débat. Je un stylo pour. Je viens d'intervenir parce que là, la pauvre, elle était sympa, elle t'explique pourquoi un portable, et toi, t'es là, tu dis non, tu réponds pas mais où, j'aurais pardon. Pas de ce stylo. Gérard, écoute, je te jure. Je peux annoncer les auditeurs que ça risque d'être le dernier débat, parce que là, c'est pas possible, c'est de pire en pire depuis des mois. Oh ouais, mais ben, c'est de pire en pire. Dans ce cas-là, lui avec sa caméra, il dégage. J'ai en pareil, il dégage avec la batterie. Et au sonore, il se réveille. Ok. Gérard, et on souffle pas de la gueule, Max, s'il te plaît. Mais Gérard, t'énerve pas. Non, je vais m'énerver. Et toi, tu as travaillé. Gérard, ils sont calmes, là, au standard. Ouais, ben, peut-être. Mais tu as travaillé pas comme... J'ai dit de dégager. Si j'étais un petit peu plus concentré, je pense qu'on avance. Gérard, on avance là. Hein. Alors qu'avant que je disais que je possédais un portable, oui, voilà, c'est bien. Comme ça, j'ai pris deux stylos. Tu prends celui-là? Ouais, je prends un stylo, à chaque fois, c'est moi qui ramène mes stylos. Hein? T'as pas besoin de voir ce que je prends dans ma veste, toi, là-bas. On peut poursuivre le débat, s'il vous plaît? Ouais, alors, Justine, tu disais que tu possèdes un portable. Tu possèdes un portable parce que t'es inspecteur de police, c'est voilà, ça? Voilà, merci Gérard. Ok. Ok, bon. Célia? Bah, écoute, moi, personnellement, je possède pas de portable et je suis un peu allergique au portable. Je trouve que ça fait vraiment beauf d'avoir un portable et... Ça te gratte un petit peu, non? Bon, bah, attends. Un peu, ouais. Et celui qui dit qu'il se gratte un petit peu, pour l'instant, tu as gratté ta bouche ailleurs, ok? Pour l'instant, c'est moi qui commande, ok? Ouais, d'accord. On a bon entendeur, salut ouais. Pour toi, Michel. Moi, je trouve personnellement que c'est inutile et que c'est un gadget, quoi. Ouais. Oh, je suis pas d'accord. Non, mais attendez. Mais c'est un débat, nous avons le droit d'avoir des avis différents. Bien sûr, oui. Donc, Célia, tu dis que pour toi, c'est un gadget. Ouais, okay. Parfaitement. Lisa, bah, moi, j'ai un portable. Mm-hmm. Et bah, j'ai besoin d'être jointe à tout moment de la journée. Être jointe, c'est comme moi. Mm-hmm. Voilà. Comme qui? Comme Justine. Attendez. Comme Justine, à mon avis, Justine et Lisa. Oui. À mon avis, Il y a des filles qui font ça, Gérard. Vous possédez un portable toutes les deux. Oui, non, mais moi, c'est pas pour mon métier. Hein. Moi, c'est pour mon métier uniquement, parce que dans la vie, je trouve que ça serait inutile d'avoir un portable. Qui c'est qui dit ça? C'est Justine. Oui. Lisa, attends, j'ai fait une... Célia voudrait rajouter quelque chose. Ouais, Célia. Je pense qu'avoir un portable, ça gâche complètement le répondeur. C'est non, mais attends, attends, le répondeur de quoi? Bah, de chez toi, on n'a plus besoin non, de répondeur. Non. Tu n'as pas de répondeur, Non. Moi, je n'ai pas le téléphone. Et moi, je peux vous dire une chose. Quand même, en ayant... Mais tu n'as pas le fax, Gérard, je crois, non? Le Minitel, peut-être. Non mais attendez, vous savez pas comment ça me gonfler comme ça? C'est une question, Gérard. Non mais vous savez pas comment ça me gonfler. Moi je peux te répondre, j'ai pas de Minitel chez moi. Donc et toi? Hein? Parce que, apparemment, il y a certaines personnes que je commence à reconnaître. Hein. C'est vrai, c'est-à-dire? Non ouais, c'est pas grave. Des noms? Bah, Non, je n'ai pas de nom. Non, je suis pas une balance. Attendez, une balance, hein? C'est ton débat, c'est toi qui gères. Moi, je suis scorpion, je ne suis pas balance. Moi, je suis balance. Moi, je suis taureau. Moi, je suis scorpion. Moi, je suis né le 19 novembre. C'est bientôt mon anniversaire. D'ailleurs, fin de radio, moi, on fait un voyage. Et on te parle, là. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Ah bon? Arrêtez de aller dans le vide. Ouais, se faire bronzer. Toi, t'essayes pas de lui balancer des noms en standard. Ok, tu peux éviter. Pour les rappeler. Gérard, tu peux éviter de parler dans le vide et de demander où est-ce qu'il est ton stylo. Est-ce que tu peux pas faire un débat pour la radio? C'est possible. Ouais, mais à une condition. Mais parano, t'as toujours l'impression que c'est les mêmes personnes. T'as toujours l'impression. À ce moment-là, t'arrêtes. Tu vas arrêter. T'arrêtes. Sur tu me dis voilà, match, j'arrête. Mais t'arrêtes. Oui. Et bah, dans ce cas-là, on verra. On verra. T'inquiète pas, on verra pour la semaine prochaine. D'accord. Tu me préviens, c'est tout. Mais là, fais ton débat. Pour l'instant, on n'en prend rien. Alors déjà, lui, il va se calmer. Mais j'en ai marre que tu expliques. Non, mais attends. Il n'a pas besoin d'aller lui balancer. T'es toujours en train de gueuler. Ceux qui sont là-haut, ils n'ont pas besoin. Parce que là-haut... Et Écoute-moi bien. On va finir ce débat-là avec ces gens-là. Et dans le deuxième débat, pendant les deux disques, au lieu d'aller fumer ta clope et d'aller courir les nanas les culs nus dans les couloirs, écoute-moi ouais. Jusqu'au bout. Je vais prendre le standard. Exactement, c'est toi qui vas choisir ces six auditeurs. Et toi, tu dégages de ta caméra. Ouais. C'est bon, Gérard? Moi, je crois qu'on est parti sur bonne base. On peut continuer le débat? À la con, là, tes questions. Parce que limite, on va continuer, là. Dans mes questions à la con, il n'y a pas de deuxième débat, et c'est tout. Gérard, il est à peine une heure. Hein. Gérard, non, s'il vous plaît. Attends, mais j'ai pas à la con. Comme tu viens de le dire. Mais non, c'était pas très bien, Gérard. Débat à la con. Non, je suis désolé. Écoute-moi. Non, mais tu veux pas écouter parce que je vais te dire la vérité. À l'époque, tu préparais deux débats. Aujourd'hui, le premier débat, il a été préparé par un auditeur. Tu t'es même pas foulé pour les questions. Le débat de la semaine dernière, il y avait des questions tellement que tu n'avais même pas à les lire parce que c'est des auditeurs. Tu dégages dans cette caméra. Tu me fais chier! Mais toi, c'est une excuse, la caméra. Elle te gêne pas, la caméra. Tous les soirs. Non, me gêne pas! Pourquoi qu'il se pointe derrière pour sauver le téléphone? Parano! La semaine dernière, il a fait ça! C'est pas la caméra. On met un disque. Gérard, tous les soirs. Non, on met un disque. Excusez-moi encore auditeur d'intervenir, mais tous les soirs, le caméraman alligator, il est à côté de moi, et moi je suis pas toutes les deux secondes, tu m'entends tous les soirs, entre 22h et 2h du matin, quand t'es pas là. De toute manière, tu peux pas le voir parce que tu veux pas être filmé de face. Mais si, je suis. Non, mais moi, tout le monde a fait une filmine, Gérard, tu dégages, ça va plus. Gérard, ce qui te gêne, c'est pas d'être filmé, c'est qu'il soit près de toi, et des fois, il est près de moi, alors. Ouais, mais moi, je suis pas un PD comme lui. Mais arrête, Gérard. J'aime pas me faire passer la main dans le dos. Gérard, reviens. Okay. T'es une star ou t'es pas une star? Attends, si tu mets les mains sur l'épaule, c'est peut-être un PD. Alors je vais dire, tous les jours, il y a des PD parce que tous les jours, on met la main sur l'épaule. Non, mais attends. C'est de l'amitié, Gérard. Gérard. Gérard. attends Gérard, là tu peux plus commander, c'est plus possible. T'en fais qu'à ta tête, tu penses que tu vas avoir ce style oubli qui a rien foutre, d'avoir la rançon de la gloire. Mais attends, rien. J'ai quoi pour l'instant? J'ai rien, tu fais rien. Rien, tu fais rien. Non, attends, j'ai fermé. Ça fait les auditeurs là. Allô? Allô? Bon. Vous avez des choses à raconter, non? Est-ce que vous avez des portables? Des portables. Alors moi, je disais que j'en avais un, effectivement, pour mon travail. Mais quelle marque? Je suis inspecteur de police. C'est la marque Sterrare. Oui. Gérard. Gérard. Uh-huh. Et c'est une très bonne marque. Ça marche bien? Oui, c'est en tong. C'est mis en forme de tong avec l'odeur. Ça a une odeur. Et l'odeur est très agréable. C'est rentable avec le... Comme ça, elle t'aime bien rigoler. Eh ben, tu t'énerves là avec toute ta connerie que je pense pas. Allez, Gérard. Mais non. Toi, tu dégages. D'ailleurs, je continuerai pas les débats comme ça. Gérard, s'il te plaît. Et là, les débats, c'est n'importe quoi. Faisons les débats, Gérard. C'est le fond, là. C'est l'apocalypse, là. Gérard, troisième question. On t'attend, hein. Fais la radio, pense aux gens qui font de la radio, mais fais plus tes débats. Non, non. Fais ta popote, fais ce qui t'intéresse, c'est toujours. Gérard, troisième question, s'il te plaît. Eh ben, tu prends François. Mais Gérard, bon sang. Eh ben, prends François. Il y a un manque de respect dans le que je pouvais faire des débats, que je portais une caméra mais ça me dérangeait pas. Il est à côté de moi, mais bon, ça se passe bien. Ouais. Bon, l'alligator, c'est quoi la prochaine question? La prochaine question, c'est est-ce que Gérard reste pour faire ce débat? Non, alors Gérard a du mal à rester. Vas-y, l'alligator. Est-ce que c'est une question? Je ne fais plus rien. Et Gérard, okay. C'est dommage. Oh, que t'as rien à foutre de mes mères. C'est ça, je vous bénis, Dieu. Tu sors pas du studio pour aller fumer une clope, tu prends tes affaires et tu te barres. Mais là, tu fumes une clope. Mais même pas capable de prendre de ma défense. Mais je la prends ta défense. Mais non, tu es profond. Ça, tu rigoles. Vraiment, ça te fait rire, pas moi. Alors, t'énerve pas. Si, je m'ai énervé. Tu le fais exprès. Non. Attends, c'est quoi ça? Je vais donner ça à mon avocat. Donne-moi. Mais non, tu vas donner ça à ton avocat. Combien de fois que je lui en ai parlé? Ah, t'en as plein de bureaux comme ça. Ah, ben, ouais, voyons. Hop, on met un disque. Putain, tu mets un disque, s'il te plaît. Gérard? Ouais. Ça va? Tu mets un disque, s'il te plaît. Ah, t'en as un sous la main, un disque? Hein? T'en as un disque? Ben, t'as qu'à mettre les parodies de Gérard, puis c'est tout. Ah non, c'est bidon, ça. Tu veux? Ta maison, toi, c'est là. Toi, tu fais pas tes débats, tu les prépares pas, et en plus, faut passer tes disques. Bah ouais. Attends. Non, mais c'est ça. Non, mais tu te crois. Ouais, où, non, mais attends. On est pas chez mes mères. On est pas chez mes mères, attends. Ouais. T'es même pas capable de me défendre sur toute ma mère. Mais je peux te défendre, mais t'es tout le temps en train de gueuler. T'es même pas capable. La semaine dernière, t'en as eu du courrier, tu ne l'as même pas dit à l'antenne. Attends, j'ai pas entendu. Tu m'as dit que j'étais quoi, hein? Non. Tu m'as dit que j'étais, hein? T'es même pas capable de me défendre. Je t'ai même pas insulté, alors désolé. Bah, viens. suis un incapable. Ouais. Okay. Vous avez des avocats. Voilà. Pardon, ah on va se calmer parce que là, ça a plus de possible parce que là, j'ai la honte. Ouais. On va faire ce cas-là. Je préviens une chose, plus personne t'envoie du courrier de merde chez moi avec des publicités mensongères, c'est pas la peine. Alors, non, on parle pas tribunal, ok? Alors maintenant, je préviens une chose, je reprends le prochain débat à 2h05. Je vais essayer de me calmer. Hein? Alors moi, tu en es ras-le-bol. Et tu penses bien qu'un mec, si tu lui dis que c'est interdit, si c'est interdit de mettre du courrier chez toi, ils vont t'en envoyer encore plus. Disons qu'ils vont t'envoyer encore plus de courrier. Ouais, mais dans ce cas-là, l'œil de l'un, c'est le fesse de babrin. Qu'il ait le courage d'appeler. Ils sont même pas... Est-ce que j'y suis pour quelque chose, moi, si t'appelles? Mais c'est un rond rouge. Il est même pas capable d'appeler. Attends, même si Max, le Star System, ton ami, vient pour leur dire appeler, est-ce que tu crois qu'ils vont appeler? Là, tu crois qu'ils vont pas les appeler parce que Julie Gale vont pas laisser le... Mais arrête de parler de Julie Gale, elles sont pas là, ça n'a rien à voir. Elles vont pas les sélectionner. Je suis désolé. Mais non, parce qu'elles veulent les sélectionner quand t'es là, mais quand t'es là, c'est pas elle au standard, c'est Manu et Manu. Comme par hasard. Je suis pas au courant, moi, Gérard. Déjà, il est pas au courant, déjà, premièrement. Ouais. Non, mais il est pas au courant, déjà, il va se calmer. Il va faire ce que je vais lui dire, lui aussi. Non, mais si tu te calmes pas, tu te rends compte qu'il est 2h du matin. Et alors? C'est plus la radio libre, c'est la radio trash, là. Ouais, mais moi, je vais dire ce que j'ai à dire sur le hauteur. Parce que j'en ai ras-le-bol. Je suis d'accord avec toi. Ouais, j'en ai ras-le-bol de recevoir du courrier comme ça, chaque semaine. Moi aussi, j'en reçois chez moi, nous, si on reçoit des messages. Non. Écoute, je te le dis, si moi tu ne le crois pas, Gérard, je vais avoir le courrier d'hier. Gérard, écoute-moi bien, si tu me crois pas que je reçois du courrier chez moi je ne te crois pas que je reçois du courrier chez toi. Ouais, et les numéros, personne n'a donné ton numéro de téléphone à l'antenne. Non, mais tout le monde l'a sur Minitel, il y en a plein qui le donnent. Bah oui, Gérard. Bon, ouais, t'arrêtes avec ton flash là, s'il te plaît. Alors, on peut reprendre le débat parce que là, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Ouais, mais il ne s'est rien passé. Pour l'instant, il va se passer quelque chose, c'est que moi maintenant, ça va être simple, c'est Oh, t'arrêtes s'il te plaît! Arrête s'il te plaît. On va peut-être même arrêter la caméra pendant à peu près un quart d'heure, donc on va la poser, on va se calmer complètement, on va faire de la radio en faisant un vrai débat sur les questions qui sont intéressantes. Pose les questions que tu n'as pas posées et que les gens y réfléchissent. Ouais, si je retrouve les thèmes. Non mais ils sont là, elle est là, sous les yeux. Non, c'est celui que t'as sous les yeux, c'est la feuille que tu viens de balancer là. Non, non. Si. Non, c'est pas les fortes. Ah, voilà, mais là t'as tout jeté alors. Ah bah oui. Ah bah oui, mais c'est de ta faute mon grand, si tu sais même pas... Non, mais attends. Ah bravo. Attends, il n'a pas déchiré des fois. Il y a des limites aussi à... Toi t'en as des limites, toi t'arrêtes pas de gueuler toutes les 5 minutes. Avant tu gueulais jamais, maintenant tu gueules toutes les 5 minutes. Oui, pourquoi? Parce que j'en ai marre de recevoir des salopes dans ma boîte. C'est tout à l'heure ça, c'est le débat maintenant. Oui, mais pour l'instant quand je te le dis tout à l'heure, tu te marres derrière la fenêtre. Attends, parce que tu me fais rire, c'est comme si moi à chaque fois qu'on me chie dessus à l'antenne, le lendemain je reviens en parlant du mec d'hier en disant ouais, il y a un mec qui m'a chié dessus, et puis après je vais dire avant-hier il y a un mec qui m'a chié dessus. C'est bon, c'était tout à l'heure, on en a parlé, t'as fait l'ultimatum. Et ça? Mais c'est rien. Ça. Alors? Oh là là, mais il est où ton débat? On sait rien. Eh bah ouais, parce que t'es mal organisé en plus de. Ouais, je suis mal organisé. Bah écoute, je suis désolé, tu nous en fais la preuve. Alors c'est pas possible. Et toi, avec ta caméra, t'as pas besoin de savoir ce qu'il y a dans ma manette. Oh là là, bref, il est 2h, y a rien, on en fait plus qu'un débat. Eh oh. On en fera plus qu'un, on finit sur les portables, elle est terminée, mais moi je... Comme ça, tu verras Stéphanie, parce qu'il y a que ça qui t'intéresse, t'as Stéphanie là-haut, comme ça tu pourras aller la voir, comme ça tu seras tranquille. Comme ça tu pourras t'occuper d'elle. Attends, Stéphanie là-haut, c'est autre chose. Il y a que ça qui t'intéresse, toi, c'est quelque chose. Dans le studio à côté de toi. Trouvez-vous cela utile, point final à la ligne. Les autres questions. Ouais, moi non, mais on met un disque, c'est tout. On met un disque, oui. On met un disque, hein. Hey, hey, hey. Yo, yo, yo. Alors, si vous voulez nous appeler pour le débat de Gérard, c'est le 0870-5000 et 0803-08-5000. 0803, hein, allez-y. Non, mais qu'est-ce que tu fous au deuxième disque? C'est pas la peine, là. On reprend le débat, on y va, c'est parti. Et Potard va faire les questions, on y va. Voilà. Alors, je fais la réponse. Prochaine question. Oui. Trouvez-vous les portables chers? Ah ouais. Oui. On a qui au téléphone? Nana. On a donc Lisa ou Cécile, Justine, non? Janine. Janine, oui. Célia. Oui. Lisa. Janine. On va commencer par les filles. Ouais. Alors. Si on trouve les portables chers? Ouais, si on trouve les portables chers. Bah, c'est pas donné, ouais. C'est pas donné, mais bon, quand on a les moyens, c'est pas très grave, quoi. Je veux dire, c'est un gadget, quoi. C'est un luxe. Mmh. Toi, tu t'en sers pour quoi, ton portable? C'est un gadget ou un luxe? Tu mettrais combien en budget? Je sais pas, ça dépend du mois, 2000, 3000, ça dépend. Ah, quand même. Bah, oui, c'est bien 3000 pour un portable par mois. Moi, je passe mes jours de téléphone, ouais. J'ai toujours besoin d'appeler mes amis, mes parents, ma famille, tout ça, mes copains. Au travail et tout, t'appelles? Ah non, je travaille pas. Ah, ok. Ah, d'accord. Et comment tu fais pour payer 2000? Bah, écoute, j'ai une richesse personnelle, j'ai pas besoin de travail. Non, mais je laisse le travail à ceux qui en ont besoin, je veux dire... Ça m'est arrivé. Il y en a qui ont de la chance, hein. Il en faut, quoi. Voilà. J'ai des questions sur la superposition. La superposition? Moi, j'ai des questions. Ah, t'as les vraies questions? Moi, j'ai les vraies questions. D'accord. Ouais. On a fini la question? On a les mecs, on les a pas fait. Ah oui, exact. Merci, Daniel. Bonjour, j'appelle d'ici les Moulineaux. Ouais. Bonsoir. Et ton prénom? Pardon? Ton prénom? Alors, le prénom? C'est le fonctionnaire. Ah, c'est le fonctionnaire, d'accord. Un relou. Ouais, relou. Allô le relou? Allô? Toi le fonctionnaire, tu dois avoir un portable normalement. Voilà. Oui. Donc, on avance un peu là. On s'enlise un peu. On est comme genre. Allô? Oui. Allô? Ouais, on aimerait parler au fonctionnaire. Excusez-moi de vous déranger. Il est là, Manu, le fonctionnaire ou pas? Il est pas là, Manu, tu dégages. Ouais, tu travailles, s'il te plaît, Manu. Bon, alors, il répond pas. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir. Oui. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Tu voulais t'exprimer? Oui. D'accord, bah fais-le. Sur les portables. Oui. C'est-à-dire je travaille à France Telecom. Très bien. Je voudrais parler à Gérard. Il est là? Il est là, il t'écoute. Ouais, il est aux toilettes, il revient. Il t'écoute. Il est aux toilettes? Oui, il t'écoute. Vas-y, bon. Tu voulais dire. Gérard, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. D'accord. Bonsoir. Donc, okay. Moi, je voudrais dire que je suis pour les portables. Oui. Pourquoi? Simplement parce que on fait pas de redevance. D'accord, et ça te permet de joindre les autres? Tout à fait. D'accord, au téléphone? J'ai un forfait tous les mois. D'accord. Que je ne dépasse pas. Mmh. Et je sais à comment tenir à la fin du mois. Et t'as un forfait de combien? Ouais, mais est-ce que ton métier te permet d'avoir des ristournes ou... Cyril? Oui. Excuse-moi, on récupère Justine. D'accord. Ah, enfin! Justine! Quand même! Tu vas bien? Bonsoir. Bonsoir. Salut Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Ne me demande pas si Gérard est là, il est aux toilettes. Gérard n'est pas toujours arrivé? Non, il est aux toilettes. Toujours pas là. D'accord. Indisposé, on va l'attendre. D'accord. Il est à Biarritz. Donc le sujet, c'est les portables. Je me destine à qui, là? Bah, à nous. Qui à l'équipe, Daniel, Kildar, Manu, Le Gamin, moi-même, Manu Le Gamin. Bonsoir, Manu Le Gamin. Voilà, on a fait les présentations, donc. Donc ta question, c'était, est-ce que tu trouves les portables chers? Alors, je trouve que les portables sont très chers. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Parce que l'abonnement, c'est 500 000 francs. Et que je trouve que le téléphone est beaucoup moins cher. Mm-hmm. Ah, super. Mm-hmm. Bravo. L'employé de France Télécom, il est où? Il s'est endormi, là? Ah, là, je ne suis pas d'accord. Ah, vas-y. Si, monsieur Lévy, j'ai payé mon téléphone. Les téléphones, maintenant, sont à 1 franc. Ouais. Et moi, je ne paye pas l'abonnement, donc... Je me suis fait rouler, merde. Ouais, mais toi, allô, tu ne payes pas l'abonnement parce que tu es à France Télécom. Mais moi, je paye l'abonnement. Voilà. Daniel, si on pouvait mélanger 2-3 questions. En même temps? Ouais, en même temps. Tu payes que tes communications? Si c'était possible. Si vous êtes d'accord? Oui, on peut. Bah, alors j'ai une autre question intéressante, ça. Ah, vas-y, Daniel, ça va être super. Ouais. Ouais. Dans quel endroit entendez-vous le plus souvent les portables sonner? Ah, ça, c'est une horreur. Les filles? Les filles? Dans les toilettes. Ouais. D'accord. Dans mon blouson. Mmh. Moi, le plus souvent, c'est quand j'écoute la radio. Alors non seulement il est relou, et en plus, il est importable, on comprend rien à ce qu'il dit. C'est vrai. Hein. Bravo, bravo, France Télécom. Ah, la bête. On dirait qu'il n'a pas dit un mot encore. Gérard, oui. Referme la manette. Le regard s'est fermé. Il est fermé. Attention, attention. Allô, attention. Allô, il est parti. Allô, allô. Ah, mais attendez, je retrouve mon portable vient de sonner. Un homme de la sécurité est là pour assurer la sécurité. Ah, il vient de jeter sa mallette dans le couloir, je ne comprends pas. Il est sorti du studio, mais il n'est pas encore parti. Oui. On se pose des questions. Pardon? Bonsoir, Walligator. Walligator, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? Ça fait plaisir que tu nous dises bonsoir. C'est qui? C'est Michel encore. Michel, bonsoir, Michel. Ah, c'est l'homo? Oui, l'homo, le sapiens, l'homosexuel. Justine, c'est la lesbienne. Voilà, je pense que moi j'entends le plus les portables sonner, c'est à Cannes. À Cannes? Oui. D'accord, mais plus pour le festival? Ah, c'est un portable, ça? Oui, c'est Michel. Michel, on va te rappeler plus tard, puisque t'es occupé. T'inquiète pas. c'est d'accord. Allô? C'est grave. C'est pour moi? Il essayait de mélanger les questions, non? Ouais, faut voir, faut voir. Si mes parents m'écoutent, je veux bien un portable, hein, donc ils y réfléchissent. Non, non, si mes parents m'écoutent, j'en veux bien un aussi. Voilà. Aussi, enfin, si mes parents écoutent, ils arrêtent. Bon, j'ai une autre question. Oui. De quelle oreille? Oui. Le portable est le plus souvent le proche. Le proche? Ouais, proche. De quelle oreille? Ouais. Ça, j'ai plus l'oreille gauche. La tête. Oui, c'est pour Michel. Oui, l'oreille gauche. Ouais, pourquoi? C'est plus proche du centre de gravité, quoi. D'accord. Et pour les filles, t'imagines que c'est différent? L'oreille droite. Ouais. L'oreille gauche. Cheveux longs, les filles, ça vous gêne pas? Hein? Ça vous gêne pas les cheveux longs? Non, au contraire, ça cache le portable. Non, mais en plus, il y a sérieuse qui a dit que les cheveux faisaient antenne. En plus. Ouais, ça cache les grandes. Il est bien France Télécom, lui, hein. Mmh. Ouais. Manu, c'est toi qui l'as trouvé. Je ne peux pas dévoiler mon identité, bien entendu. Ah, mais on comprend bien, hein, t'as dû prendre des risques, hein, c'est clair. Tu as les cheveux longs, Michel? Oui, j'ai les cheveux longs, oui. Et pourquoi? Parce que les cheveux longs, ils étaient courts. Voilà. Ah. Ouh là, bravo. Je travaille chez France Télécom, c'est pour ça. Pour moi, la vie est plus simple. Pour moi, la vie va commencer. D'accord, on tourne en rond, donc on va... Bon, on passe à notre question. Et La sonnette... Oui, non, attends. Oui, tu voulais... La sonnette vous stresse-t-elle? Si oui, qu'est-ce que vous verriez d'autre à la place? Moi, je frappe... Un vibreur. Une sonnette à ma porte. Un vibreur, ça existe. Le mieux, c'est le vibreur. Ouais, mais c'est bien, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et j'aimerais bien que Michel nous parle du vibreur, je pense qu'il connaît bien. Oui, bon, c'est-à-dire que moi j'utilise le vibreur de différentes couleurs selon l'activité de la journée. J'en ai un dans ma cuisine, dans mon salon, dans ma chambre, selon ce que je désire faire avec mon partenaire. Et quelle taille fait ton vibreur? Plutôt dans les 32, hein. 32 décimètres. Mais c'est pas beaucoup, hein, quand même. Hein. Et Michel, quand tu sors dans la rue, tu le mets où ton vibreur quand tu te déplaces? Dans l'oreille? Dans la musique. Non, enfin bon, c'est pas évident d'en parler ce soir, c'est vrai. Mais lâche-toi. Non, mais pas de tabou, Michel. On est entre nous, là. On est entre amis. Et on n'est pas à l'antenne, de toute façon. Ah, on n'est pas à l'antenne. On est en antenne. Non, bon, ben, c'est bon. Moi, je le mets dans la nuit, ça faut pas se cacher, hein. Ouais. C'est vrai, parce que quand tu t'assois, ça fait mal. C'est vrai que les portables ont fait d'énormes progrès, on reçoit partout, maintenant. Ouais. C'est vrai que je sautille un peu. Est-ce que ça vous sert de jouer, parfois? De jouir? De jouir, si tu veux, aussi, hein. Je joue, oui, je joue à saute-mouton avec mon partenaire. C'est qui saute l'autre? C'est un peu délicat. Bon, vas-y, lâche-toi, on est en rantaine. Lâche-toi. Ben, ça dépend, en fait, qui a été sélectionné. Oui. Ouais. Moi, souvent, le lundi, le mardi, je suis le sauteur. Oui. Ouais. Mm-hmm. Et lui, ben, c'est le mercredi à l'attaque. Ah, ok. Voilà. Souvent le dimanche, on fait ça avec des amis, avec notamment Caramel. Et Arlette. Caramel passera chez moi tout à l'heure. Qui va sauter devant l'avoir au téléphone? Peut-être. Donc c'est lundi. Non, on est jeudi, donc c'est qui saute là, le jeudi? Alors moi, le lundi, je saute Feuille de Rose. D'accord. Ah, ok. Et Aurore, le mercredi, me saute. Ah, c'est formidable, le portable, hein. Mais c'est magnifique. C'est pratique, oui, pour se sauter à distance. Ouais. Et est-ce que Michel? Oui. Non, Daniel. Non, Michel. Non, Michel. Michel, 47 ans de Tarascon. Oui, 47 ans de Tarascon. Oui, oui, oui. Michel? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? On a fait la présentation. Est-ce que vous achetez des godes? Des godes ceinture uniquement. Ah, pas des godes ceinture. Daniel, on n'a pas dérivé. Ah, mais je voulais te poser une question, Michel. Oui. Je voulais savoir si par moment... Tous les gens de France Télécom étaient comme toi. Non, mais justement, Michel n'est pas de France Télécom, donc l'alligator museau. Je voulais seulement savoir si des fois tu te trompais pas entre ton tatou ou ton portable qui vibre et ton vibro, justement. Ça m'est arrivé, effectivement. Au début, j'ai fait une bourde un matin en me rendant au travail. Ouais. J'avais pris mon tatou. Et fatalement, bon, bah, j'ai été aux toilettes parce que ça sonnait, ça vibrait. Ouais. Et ben je l'ai perdu, quoi. Parce que bon, je suis pas... Tu l'as lâché, quoi. Tu l'as fait tomber dans le trou. Et tu fais quoi dans la vie, Michel? France Télécom. Si Rico pouvait nous rejoindre. Mais non, Michel travaille pas à France Télécom, c'est moi qui travaille à France. Bah oui, alors Michel, tu fais quoi là? Je ne peux pas trop demander à Cyril de parler normalement comme il parle dans la vie de tous les jours, plutôt que dès qu'il parle derrière un micro, il se met à parler comme un alligator. Mais si tu pouvais parler comme quand tu me demandes 10 balles. Tu sais, quand tu dis, Max, s'il te plaît, t'aurais pas 10 balles. Plutôt que tu me dis pas, Max, s'il te plaît, t'aurais pas 10 francs. Oh, je pense que ça vient de personne, on va continuer. Non, mais pas normalement, bordel. Si vous voulez me joindre, j'ai pas de bordel, mais je suis là tous les soirs. Bon, c'est bon. Voilà. On y va ? On y va. 1, 2, 3. J'aimerais bien savoir comment s'appelle le monsieur de France Télécom. C'est ça qu'on attend depuis tout à l'heure déjà. Ah, parce que le fonctionnaire, c'est un peu. Non, mais t'as un prénom, Robert, ouais, Gérard, je sais pas, un pseudo peut-être. Ah non, j'ai des collègues qui m'écoutent. Bah, monsieur X. Travaille à l'agence de Boulogne. Bon, Jean-Christophe, alors. Bon, on en était où ? On en était à savoir. Je vais te donner un prénom, je t'appelle Jean-Christophe, comme ça au pif. Hein. Judicieux. D'accord. JC donc. Tiens, même, on va faire JC. On va prendre tes initiales, c'est plus simple. Mon JC, alors vas-y, exprime quoi. Jésus-Christ. Alors moi, je travaille à l'agence de Boulogne. Et je dois dire qu'on a très peu d'appels pour les portables, plutôt pour les téléphones personnels, pour des problèmes de ligne, de piratage, etc. Pour les portables, c'est très rare. Vous avez combien d'appels par jour ? Est-ce qu'on peut pirater un portable ? Oh oui. Non. Ah si. Excusez-moi. Qui dit non ? Si, moi j'ai piraté le portable de Gérard. De Gérard, ouais. Bah, moi aussi. Hein. Mmh. Et pour quelle raison ? Bah, parce que j'avais pas d'argent pour payer l'abonnement. Gérard, il a de les factures. Mmh. Ouais, ouais. Et comme Gérard en vérité est un millionnaire et qu'il s'est passé pour un pauvre, c'est vrai. Comme il est super sympa, ça, c'est bien possible. Ça pas. Gérard Barclay. Ouais. Voilà. Ah, excusez-moi. Oui. Je viens d'apprendre parce que j'ai le l'AFP, là, Michel. Parce que je suis journaliste. Michel. Oui, c'est Michel. Je tiens à souhaiter quand même une bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Michel. Bonsoir Walligator. Bonsoir. Merci. Daniel. Bonsoir Tilda. Bonsoir Max. Bonsoir à toute l'équipe. Ouais. Salut. Bon. L'équipe des débats de l'écran. Mm-hmm. Donc, je... Tu accélères un petit peu, s'il te plaît, merci. Oui, merci. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, tu voulais nous parler de... Bravo. Sur le l'AFP. D'accord, l'AFP. Apparemment, Gérard serait décédé, alors je ne sais pas si c'est... Non, écoutez, il est bien là. Hein. Non, c'est pas... Moi, je comprends pas. Il est décédé, mais il va bientôt revenir. Bon, tu voulais... Portable. Moi, j'ai appelé spécialement pour parler de France Télécom et notamment des portables. Et juste quand j'appelle, Gérard déserte le studio. Non, Gérard, il est là. Écoutez, il est là. On n'entend pas sa voix, je ne le sens pas. Mais bon, on peut faire sans lui, hein, c'est pas un problème. Vous voulez savoir sur Carole. Voilà, il est là. Ah, on peut très bien faire sans lui, hein. C'est lui qui a de son plein gré qui est parti. Donc, on continue. Vas-y, on a du mal, hein. Oui, France Télécom, tu voulais rajouter. Je voulais rajouter qu'il va y avoir des offres spéciales pour les téléphones de Noël. Ouais. Mm-hmm. Avec des téléphones portables offerts. Mm-hmm. Et des forfaits bien sûr moins chers que chez les autres concurrents. À 1,50 €? Oh non, pas 1,50 €. Bah, tout à l'heure, c'était 1 franc, donc... Non, 1 franc le portable et le forfait offert. 50 centimes. Non, 1 franc. J'ai l'impression que c'est un rire, quoi. Appel, hein. France Télécom se moque de nous, hein. Ah ouais, moi je vais aller chez... Excusez-moi, il y a Jean-Pat qui est venu nous rejoindre dans le studio. Bonjour Jean-Pat. Jean-Pat. Salut Jean-Pat. Salut Par contre, si tu pouvais te rapprocher de moi pour que la caméra de Fun TV puisse te voir dans l'ensemble, s'il te plaît. C'est bon, hein. Ouais, ça va là. Je crois que... Bon, le débat n'avance pas. On va passer à notre question. Oui. Ah, Daniel. Bien Daniel, bonne chose Daniel. C'est pas Daniel, bon, merci. Hein. À votre avis, que deviendra... Un coup de fil. Un coup de fil, c'est Gérard. D'accord. C'était Maxime, novembre 97. Gérard, oui. C'est Alligator. Vous voulez savoir sur Gérard. Ok, d'accord. Merci, Gérard. Donc on passe à la question suivante. Oui, merci Daniel, merci. Donc que deviendra à votre avis le portable dans ces prochaines années? Je pense que ça deviendra un frigidaire, quelque chose comme ça, je dirais, en vrai, du tout. Un crapaud. N'importe quoi. À votre avis, est-ce qu'il sera encore plus léger, petit, avec encore des touches ou des gadgets qui vont permettre... Est-ce que ça sera vocal ? Est-ce que vous connaissez la pub pour je sais plus quel journal ? En fait, les mecs avaient des portables intégrés, c'était des puces dans eux. Ouais. Il y en a un qui pétait et qui disait qu'il recevait un fax. Bon, allez, tu dégages. Ok. C'est ça, c'est ça. Là, je viens d'entendre un truc qui m'a pas fait plaisir. Mais c'est l'avenir, hein, parce que c'est très visionnaire. Moi, je dis qu'un jour, il y aura plus de téléphone à la maison. Ça me fait plaisir, la gentille. On aura plus de téléphone à la maison, on aura plus de portables. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est bien, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, les portables seront intégrés dans le cerveau. C'est vrai, j'aime bien. Et un jour, le portable, il servira de CD, il servira de magnéto. Est-ce que tu penses qu'il servira de toilette à la loco ? Comment ? Est-ce qu'il servira de toilette un jour ? Est-ce qu'il peut servir d'animateur le jeudi soir dans les débats ? Il y aura un petit trou sur le portable, on pourra faire ses besoins dedans. Comme ça, Gérard pourra l'emporter à la loco. Ouais. Ce sera bien, ça. Ah, Gérard, peut-être ? Gérard, peut-être ? Gérard à la loco, d'accord. Bah, merci Gérard encore. Hein. On a fait du Maurice qui nous rejoint dans les studios. C'est toujours la même chose, mais c'est pas grave, on monte le moral. Non, mais ça fait plaisir, au moins on sent qu'il est là, quoi. Ouais, il nous respecte. C'est bien. Oh, tu savais, le tonnerre ! Oh là là là là là là ! On accueille Tony quand même. Ah, Tony, bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Bon, Tony, très simple, on a un problème. Oui. Voilà, ouais. C'est que Gérard n'est plus là. Tout à fait. Alors, non, il est parti. Alors, je paye le coup, là. Hein. Ouais. Il fait la gueule. Je paye le coup, j'invite tout le monde. Hein. Alors, c'est problème. Ouais, on a quand même mis un an à le virer, quand même. Hein. C'est vrai. Donc, tu vas nous inviter, mais pour le moment, le débat, c'est sur le portable. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, il faut que je dise des choses sérieuses, des conneries. Tout ce que tu veux. Si tu dis des conneries. Essaye d'être moins con que d'habitude, c'est tout. Ça va être dur, quand même. Je sais, mais fais un effort. Bon, bah, sans effort, moi, j'ai pas de portable. Ouais. J'ai un tatou. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas de portable? Oui. Parce que je vois pas l'intérêt, quoi. Parce que. Attendez, la cassette, elle est finie. Tony, pourquoi tu vois pas l'intérêt à avoir un portable? Parce que je trouve que moi, bon, c'est déjà moi personnellement, j'ai pas trop d'amis. Donc si je reçois 3 coups de fil dans l'année, avec ta caméra, un portable, c'est intéressant ce que je venais de dire. Bon, c'est bon. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir au débat? Oui, bien sûr. Donc Tony, c'est Jean-Pat qui s'énerve. Voilà, c'est Fred. Voilà. Vas-y, Tony. C'est un peu. Si c'est comme ça, voilà. J'arrête. Attention, Fildar. Si c'est comme ça, je me casse. J'arrête tout, je vous laisse tomber. Non. J'aimerais entendre Tony. Ah, tu reprends le débat là. Et les autres, dégagez le standard. Moi j'avais une question. Tu disais que ça portait pas l'intérêt d'avoir un portable. Non, je disais pas que ça portait pas l'intérêt. Je disais qu'il n'y avait pas d'intérêt. Oui, pas d'intérêt. Pourquoi, Pourquoi? Parce que, certaines personnes ne ressentent pas le besoin de recevoir des appels téléphoniques. Parce que moi je connais des blaireaux qui ont des portables et ils reçoivent 3 appels par jour. Mais qu'est-ce que je te dise, moi, pourquoi tu veux pas avoir de portable? Parce que tu veux pas, t'as pas d'appel en fait. Bah oui, c'est ce que je dis, j'ai pas d'amis. Caramel, tu t'entends pas ce que je dis, hein? Ouais, bah, Tony. Oui, tu peux quand même faire les 08 36 68 pour avoir des. Bien sûr, évidemment. Je les fais tous les soirs. Bien sûr, j'ai bien vu. Je me tape des queues en regardant tout ça et puis je m'amuse. Tu peux taper des queues avec un portable à la main, qui ne sert pas. Moi, j'ai un portable à la main? Ouais, non, quand tu tapes une queue. Non, attends. Parce que ma queue, si tu veux, c'est un baobab. J'ai obligé d'avoir les deux dessus. C'est bien, on peut réagir à ça. Ouais. Par contre, Tony, je vais te poser une question. Oui, imagine que tu vas te faire une meuf, mais c'est vraiment une supposition. C'est vraiment science-fiction, c'est extrême. T'as des amis, tu fais des soirées. La meuf. Voilà, la meuf. Attends, je termine. Vas-y, va la meuf. Donc, t'as un portable. T'as le portable. Non, mais m'entends, Cyril. Oui, mais je sais. Ok. Donc, tu as un portable. Donc, tu as un numéro de téléphone. Téléphone. T'as rendez-vous avec la meuf. Le problème, c'est que la meuf peut pas venir. Elle peut te joindre car tu as un portable. Elle peut te prévenir donc à l'avance, tu ne pourras pas être au rendez-vous. Avec elle. Et donc, tu vas prendre pour un con. Des effets de voix. Tu comprends, Anthony? Les auditeurs sont cons ce soir. Voilà. J'ai rien compris. C'est moi la copine de Tony. Allez, j'arrête. Philippe, Tony, mon amour. Manu, vous restez prêts? Ouais, on accueille Arnette quand même. Je sais pas si tu le sais. Ça va tout le monde? Ça va, Arnette, tu m'en fais un faux plan ce soir. Ah, règlement de compte. C'est mon standard. Ouais, Arnette. Ouais, bonsoir à tout le monde, bonsoir Gérard. Non, il est parti. Arnette, je t'ai vu dans Excel, je te trouve vachement beau. Ah ouais, attends, c'est Gérard qui s'appelle. Gérard, vas-y. Gérard, j'ai un choix d'Excel, j'ai confidentiel de Christy. Tout ce que vous voulez savoir sur Carole, Gérard, il y a le coup. C'est terminé, on arrête, d'accord. C'est génial. Bon, alors on va mettre un disque, là, parce que... Oui, donc, le titre, alors le titre, c'est Je te prends par la peau du cul avec Je suce ma carotte. Avec le smack. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le service. Les débats de Gérard. Totalement oublié Gérard, on est reparti avec Megan, Johan, Carl, Luigi, Tony, Arnette, merci Manu. De rien. Il n'y a personne d'autre ? Allô ? Non. Ah non. Alors on va quand même se présenter puisque Gérard n'est plus là, on a repris l'antenne. D'accord, donc j'ai Jean-Pat à ma gauche. Jean-Pat, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Salut Jean-Pat, tu vas bien ? Ouais. Salut. Donc c'est Philippe là, ce que vous avez entendu ? Philippe, enchanté. Voilà, nous avons Daniel à la console. Super, bonsoir. Daniel. Bonsoir. Ouais. Attends, salut, je vais te demander à Daniel qui fait un boulot exceptionnel ce soir. Oui, c'est vrai. Je tiens quand même à l'applaudir. Merci. Bravo, merci. Bravo Daniel. On peut applaudir aussi Manu au standard et Sébastien qui fait... Je voudrais te dire je t'aime sur un portable. Je voudrais faire les courses avec toi, avec mon portable. Ah, attention. Ah, Gérard reprend. Gérard reprend. Ah, oh là. Non, je continue pas dans un bordel. Bon. J'explique. Attention doucement ce qui se passe. Gérard veut ou ne veut pas refermer la porte. On ne sait pas. Nous partons. On dégage. Allons-y. Il est reparti dans le couloir. Ah, merde. Pas. Ah, il re-rentre de nouveau. Fausse bonne nouvelle. Ah, merde. Tu travailles au standard. Ah. Vite fait. Je reconnais le GG. Il est là. Il arrive. Il est remonté à bloc. Vite fait, toi. À bloc. Il est là. Hein? Là, tu as travaillé.